Cool. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 483C. C'est pour couvre-feu, puisqu'on n'a toujours pas le droit d'aller à la radio, mais depuis quelques temps, vous le savez, vous entendez les podcasts de la radio à la radio. Enfin, les podcasts de l'émission, je voulais dire, à la radio, puisqu'on peut envoyer le podcast à la radio et gentiment, les techniciens nous mettent le podcast en ligne, ce qui est extrêmement sympa. Donc je remercie les techniciens de la radio qui nous permettent d'avoir une diffusion plus grande comme ça. C'est le home recording numéro 24. On est officiellement le 10 février 2021 et l'album de la semaine, ce sera Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. Alors, Electric Arguments de Paul McCartney, oui, en fait c'est The Fireman, le troisième album de The Fireman. Mais depuis un bon moment, c'était un secret de Polichinelle. On savait que cet album-là était fait par Paul McCartney, lequel d'ailleurs a eu l'envie et l'intelligence de chanter dessus, ne laissait plus place au moindre doute quant à l'identité de The Fireman. Et je me demande un petit peu pourquoi d'ailleurs il n'a pas appelé cet album-là de son propre nom, parce que je n'en vois pas trop l'intérêt. Bref, on écoutera quand même Sing the Changes, Highway, Light from Your Lighthouse, Sun is Shining, Lifelong Passion et To Magpie en fin d'émission. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, par exemple, Mother sur Plastic Ono Band en 1970. Harrison nous gratifiera The Heart of Dying sur All Things Must Pass, également en 70. Ringo Starr, ce sera photographe et pour les Beatles. On tapera un petit peu dans une chanson méconnue, If You've Got Trouble, par exemple, que vous retrouvez sur les anthologies, alors que pendant très longtemps, c'était un inédit, c'était un introuvable, un pirate, si vous préférez. J'ai le nez bouché, ça va pas être facile de faire l'émission, mais on va essayer quand même. Première chanson, Sing the Changes, Paul McCartney. Bonne soirée à vous toutes et tous, on est ensemble jusqu'à 22h. We'll be right back. Chacun des 13 titres de l'album n'a guère pris plus d'une journée de studio. Et c'est à cette capture sur le vif que l'album doit en partie son charme brut. Ici, l'excès de sophistication dont les œuvres du bassiste furent souvent taxées cède le pas à un très profitable laisser-aller. Qu'il soit sous très haute tension ou drapé dans de la soie, les 13 titres d'Electric Arguments transpirent du plaisir de jouer au sens le plus enfantin et le plus pur de la chose. À titre de comparaison, on évoquera souvent l'album blanc des Beatles, tant pour son foisonnement stylistique que pour ses troublantes similitudes dans certaines chansons. Quand il crache ses tripes comme sur le blues rock Nothing Too Much Just Out of Sight, c'est à Helter Skelter qu'il sera exagérément fait référence. Tandis que la légèreté des ballades Two Magpies, Traveling Light ou Light From Your Lighthouse seront assimilées à l'épure acoustique de chansons comme Blackbird ou Mother Nature's Son. Mais le vrai morceau de bravoure de cet album échappe à ses comparatifs hâtifs. Avec Sing the Changes, Paul McCartney délivre un rock puissant, aérien et envoûtant dont il n'est pas si coutumier. Cela pulse à la vitesse d'un TGV en ligne droite et tendu comme un spectre sonore ouvert à 360 degrés. Plus crasseux mais aussi obsédant, Highway, qu'on écoutera tout à l'heure, je crois vous l'avoir dit, dégage lui aussi d'une pure énergie dévastatrice. Dans son dernier tiers, l'album renoue avec certaines couleurs de Rushes, le disque d'avant, et se fait plus expérimental, explorant toutes sortes de climats et de textures sonores jusqu'à l'étourdissante claque finale que constitue Don't Stop Running. Contrairement à ses prédécesseurs, Electric Argument est assez modestement rentré dans les charts. Il est à classer parmi les 10 les plus réjouissants de Paul McCartney, pourtant affranchi de son encombrante stature, il a conçu avec Youth, c'est le coproducteur, une œuvre très habitée et irriguée d'une étonnante sève juvénile. Avec 50 ans de carrière de rock dans les jambes, il trace encore sa route sans béquille, chapeau. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album-là pour l'instant. Et la suite maintenant, c'est Mother, Monsieur John Lennon, surérigé, je peux le dire enfin, qui est la radio des Beatles. Thank you. On reste dans la thématique joyeuse après « Maman t'en va pas et papa revient à la maison » hurlé par John Lennon. Voici George Harrison qui nous chante « L'art de mourir »,« Art of Dying ». Vous inquiétez pas, ça changera après, j'espère quand même. Hein. Mais je vous ai réservé une petite surprise derrière. Pour ceux qui connaissent, il n'y aura pas de problème. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, ce sera une surprise. Comme ça pour l'album All Things Must Pass de George Harrison, It's Johnny's Birthday, comme quoi le Quiet Beatles avait aussi beaucoup d'humour. Curieux, n'est-ce pas? Ça n'est pas la version de 1973 de Ringo Starr de la chanson Photograph, c'est celle de 2017 sur l'album Give More Love. Il a choisi de réenregistrer cette chanson, lui donner une autre couleur, et c'est sympa aussi. Voilà. On a entendu Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, et juste avant d'écouter les Beatles, il faut que je vous parle de Lovely Rita. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazine.com. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Même 8 jours. 8 days a week. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les parents. If you got trouble, then you got less trouble than me. You say you're worried, you can't be as worried as me. You're quite content to be bad with all the advantage you had over me. Just cause you're troubled, then don't bring your troubles to me. I don't think it's funny when you ask for money and things, especially when yours and it they're wearing diamonds and rings. Oh, you think I'm soft in the head? We'll try someone softer instead of anything. It's not so funny when you know what money can bring. You better leave me alone. I don't need a thing from you. You better take yourself home. Go and count a ring or two. If you've got trouble, then you've got less trouble than me. You say you're worried, you can't be a

Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. De deux chansons qu'on ne passe pas assez souvent dans la saga des Fab Four, c'est deux chansons extraites de deux albums différents en 1964. Quelle très belle année, 1964. La première, Mr. Moonlight, extrait de l'album For Sale, et la seconde, I'll Be Back, extrait de A Hard Day's Night. Vous écoutez la saga des Fab Four numéro 483C, c'est pour couvre-feu, c'est un home recording numéro 24 déjà, depuis le début de la pandémie, et comme dirait peut-être George Harrison, ce que vous entendez, ce n'est pas moi, ce n'est que ma voix, puisque je suis en enregistrement, vous êtes sur la radio RIG 90.7 ou www.rigfm.fr, et on continue la saga avec Intuition. Extrait de l'album Mind Games en 1973. C'est 3, pas mal. C'est John Lennon. Hey, hey, hey. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Ah, intuition. My instincts are fine. I had to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed or no suspicion, it's good to be alive. And when I'm deep down and out and lose communication with nothing left to say, it's then I realize it's only a condition of seeing things that j'ai déjà parlé de l'album Stop and Smell the Roses de Ringo Starr en 1981, en vous disant que pour moi, c'était le début du retour de Ringo sur le devant de la scène, à savoir après quelques années noires entre 75 et 81. Il essayait de revenir avec de bonnes chansons, et ça marchait bien sur cet album Stop and Smell the Roses, excepté deux chansons que je n'aimais pas vraiment. La première, c'est Stop and Take the Time to Smell the Roses, et l'autre, c'est Drumming is My Madness. Ce ne sont pas des chansons horribles, mais bah justement, par exemple, Stop and Take the Time to Smell the Roses, je ne l'ai jamais passé dans la saga. C'est une erreur qui est réparée, parce que la voici. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une chanson moins bien que les autres de cet album-là. Stop and take the time to smell the roses. Stop! And take the time to fill your noses. take the time to read the label. Stop. You must remember Clark and Betty Grable. Stop. There's no train to catch. No, there isn't, brothers. No, no, no. Come on, everybody, you've got to stop. Stop on the highway. Stop when you're in your car on that highway. And take the time to stop that smoking. Stop before that light turns green. You won't be blue. Stop in the name of the Lord. Down the street the other day, you know, and I said to myself, what's all this hurry? What's all this hustle and bustle? Why don't I just stop? Look at the pretty roses, smell them for one moment. Take the time to see, take the time to smell. Have a good time in life, don't let everything pass you by. You're only here once, and I've been here longer than most of you. So stop and take the time to buy this album so I can plant roses and smell them. Voilà, la fin est tout à fait du Ringo. Arrêtez et prenez le temps d'acheter cet album pour que je puisse planter des roses et puis les sentir. Stop, j'en ai marre de ce business de disques, j'ai envie de m'arrêter et tout ça et tout ça. Bref, il n'y avait peut-être pas le moral. Bon, mais moi j'estime qu'il revenait du bon côté. On revient, nous aussi, mais à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Electric Arguments, sorti en 2008. Voici Light from Your Lighthouse. Paul McCartney sur RIG. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and troubles start sliding across your mind, it's hard for me to see which road I've gotta take.

deux Beatles à la suite, mais cette fois-ci extrait de deux albums différents en 1965. La première, I Need You, chantée par George Harrison sur Help, et la seconde, Girl, chantée par John évidemment, sur l'album Rubber Soul. Qu'est-ce qu'on peut dire de Girl ? Quand on le questionna pour savoir qui se cachait derrière la fille de Girl, John répondit qu'il s'agissait d'un personnage de rêve, la femme idéale qu'il n'avait pas encore rencontrée. Sympa pour Cynthia quand même. J'ai toujours rêvé qu'elle entrerait dans ma vie, expliqua-t-il. Je savais que ce ne serait pas quelqu'un qui achète des disques des Beatles. J'attendais d'une femme qu'elle soit capable de me donner ce que les hommes me donnent intellectuellement. Je voulais quelqu'un avec qui je pourrais être moi-même. Pourtant, la fille de la chanson est loin de ressembler à la femme idéale. Elle est cruelle, vaniteuse, et elle l'humilie. Tiens, ça ressemble à Yoko, je trouve. Il y a peut-être deux filles différentes dans cette chanson. La femme idéale du début, sans laquelle il serait incapable de vivre, et la femme de cauchemar de la seconde partie, qui le ridiculise. La seule déclaration que fit John au sujet de cette chanson ne concernait pas l'idée de la femme idéale, mais de la religion chrétienne. En 1970, il révéla à Rolling Stones que les vers « Was she told when she was young that pain would lead to pleasure ?» lui a-t-on dit quand elle était jeune que le plaisir viendrait de la douleur et « That a man must break his back to earn his day of leisure » que quelqu'un doit se briser le dos pour mériter son repos, son jour de repos même pour être exact, était une référence au concept catholique et chrétien « Souffrez et tout ira bien ». Il ajouta « J'essayais de dire quelque chose, de m'exprimer au sujet de la religion catholique à laquelle j'étais opposé à l'époque. » Il parlait probablement de la partie de la Genèse qui traite des effets de la désobéissance d'Adam et Ève, où il est dit à Ève « Tu enfanteras dans la douleur ». Eh oui, la pauvre. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire d'intéressant sur cette chanson, qui est une très belle chanson, je maintiens. Voici un autre Lennon, mais un Lennon qui aurait dû être sur l'album Double Fantasy de 1980. C'est une maquette, c'est une démo que vous allez entendre, mais qui est parue 4 ans après sur l'album Milk and Honey en 1984. Et le titre de la chanson, c'est Borrowed Time, dans la saga des Fab Four. When I was younger, we'll

7 ans après While My Guitar Gently Weeps, voici arrivé This Guitar Can't Keep From Crying, la suite, en quelque sorte, sur l'album Extra Texture, Read All About It de George Harrison en 1975. Voilà, rien d'autre à dire de particulier. C'est une bonne chanson qui n'a pas eu le même impact que While My Guitar Gently Weeps, bien sûr, mais bien, mais elle est très très bien. Et l'album de la semaine, c'est toujours Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. Décidément, je reste accroché au 1900 parfois. Mais bon, c'est comme ça. The Sun, plutôt Sun is Shining, c'est le morceau. Thank you. RIG 90.7, la radio des Beatles, également sur www.rigfm.fr. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou une fois les carrières séparées, même si eux-mêmes font une reprise d'un autre auteur-compositeur. C'est pas grave, c'est une cover de la saga, chantée par quelqu'un de connu ou pas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de connu. Il s'agit de Bon Jovi, et vous voyez que même en podcast, je suis l'actualité. C'est la chanson qu'il a chantée, Bon Jovi, au moment de l'investiture du président des États-Unis, Biden. Donc la voici, sa cover, c'est Here Comes the Sun, dans la saga des Fab Four. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas dit. D'abord, je vous propose sous édition AO, comme ça se prononce, AO, le Number 9 hommage à John Lennon de Dominique Grandfils, Claude Defer, Pierre Espourtel et Jean-Luc Taforo. C'est un bon bouquin sorti en octobre 2020 que je vous conseille sans problème. Vous allez sur les éditions AO pour tout savoir. L'autre bouquin, toujours par Dominique Grandfils, et celui-là est passionnant parce que je crois que c'est le premier en français sur Ringo Starr que vous entendez derrière moi. C'est Ringo Starr, le survivant, pour vraiment tout savoir, pour voir que ce gars-là a eu quand même une vie assez fabuleuse. Et même s'il est, entre guillemets, peut-être le moins important des Beatles, il a eu quand même son importance. Vous saurez tout en lisant ce livre-là. Vous voulez un autre livre ? Allez, c'est pour vous faire plaisir. Un nouveau livre passionnant et indispensable en français sur les racines des Beatles. Il est de Jean-Louis Pollard, P-O-L-A-R-D. Ça s'appelle The Beatles Get Back to Their Roots. Vous pouvez le trouver où ? Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, je dirais. En tout cas, c'est pour tout savoir sur les influences des Beatles. C'est un bouquin extrêmement intéressant, pas cher du tout. Donc je vous propose d'aller faire un tour là-bas. People, where Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? D'œuvre de 1966, extrait de l'album Revolver, Eleanor Rigby à l'instant, surérigé dans la saga des Fab Four. L'album de la semaine, c'est l'album Electric Arguments, sorti beaucoup plus tard, en 2008. Voici un nouvel extrait, Long Life, non, Lifelong Passion. Thank you.

my heart on the soul train. Introduced to bad company, lost sales down the brain drain. And before I can mend, lost the missus, miss the girlfriend, this got the baby business. Trouver cette chanson que sur l'album Best of Dark Horse Records entre 1976 et 1989, c'est un inédit. Take a reservation. Right over the Mr. Victor. a-t-il besoin de présenter Magical Mystery Tour par les Beatles en 1967 et c'est l'album du même nom. On se dépêche parce que c'est déjà bientôt la fin de l'émission. Vous allez retrouver dans quelques minutes Eric et Johnny de A à Z, son excellente émission. Mais en attendant, dernier retour à l'album de la semaine, Two Magpies de Fireman alias Paul McCartney. I saw two magpies, a girl and a boy, one for sorrow, two for joy. With no salutes, I move away and long to face, face, face, face down fear. Ooh. I saw two magpies. A girl and a boy, one for sorrow, two for joy. Content to cry, no more to lie. I move away and lie in truth. To be where you belong. Honey pie, come back to me.

une petite dernière pour la route. No More Lonely Nights, mais la play-out version, celle qui bouge. 1984. Paul McCartney, forcément. We got the tapes. Everything a flutter. Ooh, another lonely night might take forever. We only got each other to blame. It's all the same for me. No more lonely nights. No more lonely nights. You're pour essayer de respecter l'horaire, on va le couper là. C'est fini. Pas évident de repérer deux heures quand on sait que après il y a le podcast à faire, donc il va y avoir des coupures, donc ça va rétrécir. Alors d'un certain côté, je me dis, je vais faire un poil plus long pour couper après, mais c'est pas facile. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous allez retrouver dans quelques secondes, minutes, pas loin en tout cas, Eric pour Johnny de A à Z. Je vous remercie d'avoir écouté cette 483e édition de la saga des Fab Four sur RIG 90.7. Également www.rigfm.fr. On se retrouve la prochaine fois. Ce sera une saga love. On aura dépassé la Saint-Valentin. Et je suis un incorrigible romantique. Donc, on fera une saga love pour la prochaine fois. À très, très bientôt. Bisous les filles, poignées de main les garçons. C'était Thierry Gallet en podcast, mais sur la radio quand même, pour la saga des Fab Four. Ciao.